Enfin, Julien quitta Verrières. Il était fort ému. Mais à une lieue de Verrières où il laissait tant d'amour, il ne songea plus qu'au bonheur de voir une capitale, une grande ville de guerre comme Besançon. Enfin, il aperçut, sur une montagne lointaine, des murs noirs. C'était la citadelle. Quelle différence pour moi, si j'arrivais dans cette noble ville de guerre pour être sous-lieutenant dans un des régiments chargés de la défendre. Besançon n'est pas seulement une des plus jolies villes de France. Elle abonde en gens de cœur et d'esprit. Mais Julien n'était qu'un petit paysan et n'eut aucun moyen d'approcher les hommes distingués. La hauteur des murs, la profondeur des fossés, l'air terrible des canons l'avaient occupé pendant plusieurs heures lorsqu'il passa devant le grand café sur le boulevard. Il resta immobile d'admiration. Il fit effort sur sa timidité. Il osa entrer. Deux parties de billard étaient en train. La demoiselle du comptoir avait remarqué la charmante figure de ce jeune bourgeois de campagne qui, arrêté à trois pas du poêle et son petit paquet sous le bras, considérait le buste du roi en beau plâtre blanc. Monsieur ? Monsieur ? Madame, je viens pour la première fois de ma vie à Besançon. Je voudrais bien avoir, en payant, un pain et une tasse de café. Placez-vous ici, près de moi. Julien, pensif, comparait cette beauté blonde et gaie à certains souvenirs qui l'agitaient souvent. L'idée de la passion dont il avait été l'objet lui ôta presque toute sa timidité. La belle demoiselle n'avait qu'un instant. Elle lut dans les regards de Julien. Venez déjeuner demain, avant 8h du matin. Alors je suis presque seule. Quel est votre nom ? Amanda Binet. Permettez que je vous envoie dans une heure un petit paquet, gros comme celui-ci. Je suis surveillée. Ce que vous me demandez peut me compromettre. Cependant, je m'en vais écrire mon adresse sur une carte que vous placerez sur votre paquet. Envoyez-le-moi hardiment. Je m'appelle Julien Sorel. Je n'ai ni parents, ni connaissances à Besançon. Ah ! Je comprends, vous venez pour l'école de droit ? Hélas, non. On m'envoie au séminaire. Le découragement le plus complet éteignit les traits d'Amanda. Julien, lui, était fier d'avoir osé parler. Si vous voulez, mademoiselle, je dirais que je suis votre cousin. Moi, je suis de Genlis, près de Dijon. Dites que vous êtes aussi de Genlis et cousin de ma mère. Je n'y manquerai pas. Tous les jeudis, à 5h en été, messieurs les séminaristes passent ici, devant le café. Si vous pensez à moi quand je passerai, ayez un bouquet de violettes à la main. Amanda le regarda d'un air étonné. Ce regard changea le courage de Julien en témérité. Cependant, il rougit beaucoup en lui disant « Je sens que je vous aime de l'amour le plus violent. » Parlez donc plus bas. Julien songeait à se rappeler les phrases d'un volume dépareillé de la Nouvelle Héloïse qu'il avait trouvé à Vergy. Sa mémoire le servit bien. Depuis 10 minutes, il récitait la nouvelle Héloïse à Mademoiselle Amanda, ravie. Il était heureux de sa bravoure quand tout à coup, la belle franc-comtoise prit un air glacial. Un de ses amants paraissait à la porte du café. Il s'approcha du comptoir en sifflant et marchant des épaules. Il regarda Julien. Gardez-vous de regarder de travers ce monsieur, c'est mon beau-frère. Que m'importe ? Il m'a regardé. Sans doute il vous a regardé. C'est un homme qui est manant avec tout le monde. Il n'a pas voulu vous insulter. Sortez à l'instant du café, où je ne vous aime plus. Et cependant, je vous aime bien. Julien sortit, en effet, mais lentement. Il n'était à Besançon que depuis quelques heures et déjà il avait conquis un remords. Le vieux chirurgien-major lui avait donné autrefois, malgré sa goutte, quelques leçons d'escrime. Telle était toute la science que Julien trouvait au service de sa colère. Pour un pauvre diable comme moi, sans protecteur et sans argent, il n'y aura pas grande différence entre un séminaire et une prison. Il faut que je dépose mes habits de bourgeois dans quelque auberge où je reprendrai mon habit noir. Si jamais je parviens à sortir du séminaire pour quelques heures, je pourrai fort bien, avec mes habits, revoir Mademoiselle Amanda. Ce raisonnement était beau, mais Julien, passant devant toutes les auberges, n'osait entrer dans aucune. Enfin, comme il repassait devant l'hôtel des ambassadeurs, ses yeux inquiets rencontrèrent ceux d'une grosse femme, encore assez jeune, haute en couleur, à l'air heureux et gai. Il s'approcha d'elle et lui raconta son histoire. Certainement, mon joli petit abbé. Je vous garderai vos habits bourgeois et même, je les ferai épousseter souvent. De ce temps-ci, il ne fait pas bon laisser un habit de drap sans le toucher. Elle prit une clé et le conduisit elle-même dans une chambre en lui recommandant d'écrire la note de ce qu'il laissait. Mon Dieu, que vous avez bonne mine comme ça, monsieur l'abbé Sorel. Je m'en vais vous faire servir un bon dîner. Il ne vous en coûtera que 20 sols au lieu de 50 que tout le monde paye. Car il faut bien ménager votre petit boursicot. J'ai dit Louis. Ah bon Dieu, ne parlez pas si haut. Il y a bien des mauvais sujets dans Besançon. On vous volera cela en moins de rien. Surtout, n'entrez jamais dans les cafés. Ils sont remplis de mauvais sujets. Vraiment ? Ne venez jamais que chez moi. Je vous ferai faire du café. Rappelez-vous que vous trouverez toujours ici une amie et un bon dîner à 20 sols. C'est parlé, ça, j'espère. Allez vous mettre à table. Je vais vous servir moi-même. Je ne saurais manger. Je suis trop émue. Je vais entrer au séminaire en sortant de chez vous. Oh. La bonne femme ne le laissa partir qu'après avoir rempli ses poches de provisions. Enfin, Julien s'achemina vers le lieu terrible. L'hôtesse, de dessus sa porte, lui en indiquait la route. Il vit de loin la croix de fer dorée sur la porte. Il approcha lentement. Ses jambes semblaient se dérober sous lui. Voilà donc cet enfer sur la terre, dont je ne pourrai sortir. Enfin, il se décida à sonner. Au bout de 10 minutes, un homme pâle, vêtu de noir, vint lui ouvrir. Je désire parler à Monsieur Pirard, le directeur du séminaire. Sans dire une parole, l'homme noir lui fit signe de le suivre. Ils montèrent 2 étages par un large escalier à rampe de bois, et le portier le fit entrer dans une chambre sombre et basse. Là, Julien fut laissé seul. Il était atterré. Son cœur battait violemment. Il eût été heureux d'oser pleurer. Un silence de mort régnait dans toute la maison. Au bout d'un quart d'heure, qui lui parut une journée, le portier à figure sinistre reparut et, sans daigner parler, lui fit signe d'avancer. Julien entra dans une pièce encore plus grande que la première et fort mal éclairée. À l'autre extrémité de la chambre, il aperçut un homme assis devant une table et couvert d'une soutane délabrée. Voulez-vous approcher, oui ou non ? Plus près. Votre nom ? Julien Sorel. Vous avez bien tardé. Julien ne put supporter ce regard. Étendant la main comme pour se soutenir, il tomba tout de son long sur le plancher. L'homme sonna. Julien entendit des pas. On le releva, on le plaça sur le petit fauteuil de bois blanc. Il entendit l'homme terrible qui disait au portier « Il tombe du haut mal, apparemment. Il n'en manquait plus que ça. » Quand Julien put ouvrir les yeux, le portier avait disparu. Il faut avoir du courage, et surtout cacher ce que je sens. S'il m'arrive un accident, Dieu sait ce qu'on pensera de moi. Êtes-vous en état de me répondre ? Oui, monsieur. Ah, c'est heureux. Vous m'êtes recommandé par monsieur Chélan. C'était le meilleur curé du diocèse, homme vertueux s'il en fut, et mon ami depuis 30 ans. Ah, c'est à monsieur Pirard que j'ai l'honneur de parler ? Apparemment. La lettre de Chélan est courte. Je vous adresse Julien Sorel de cette paroisse que j'ai baptisé il y aura bientôt 20 ans. Fils d'un charpentier riche, mais qui ne lui donne rien. Julien sera un ouvrier remarquable dans la vigne du Seigneur. La mémoire, l'intelligence ne manquent point. Il y a de la réflexion. Sa vocation sera-t-elle durable? Est-elle sincère? Sincère? Je vous demande pour Julien Sorel une bourse. Il la méritera en subissant les examens nécessaires. Je lui ai montré un peu de cette ancienne et bonne théologie de Bossuet, des Arnauds, des Fleury. Si ce sujet ne vous convient pas, renvoyez-le-moi. Le directeur du dépôt de mendicité, que vous connaissez bien, lui offre 800 francs pour être précepteur des enfants. Mon intérieur est tranquille, grâce à Dieu. Chélan. Il est tranquille, en effet. Sa vertu méritait cette récompense. Dieu puisse-t-il me l'accorder, le cas échéant. Monsieur Pirard regarda le ciel et fit un signe de croix. À la vue de ce signe sacré, Julien sentit diminuer l'horreur profonde qui, depuis son entrée dans cette maison, l'avait glacé. Ma protection n'est ni faveur, ni faiblesse. Elle est redoublement de soins et de sévérité contre les vices. Allez fermer cette porte à clé. Julien fit un effort pour marcher. Il remarqua qu'une petite fenêtre donnait sur la campagne. Il regarda les arbres. Cette vue lui fit du bien, comme s'il eût aperçu d'anciens amis. Loqueris ne linguam latinam? Ita, pater optime. L'entretien continua en latin. L'expression des yeux de l'abbé s'adoucissait. Julien reprenait quelque sang-froid. Que je suis faible de m'en laisser imposer par ces apparences de vertu. Cet homme sera tout simplement un fripon, comme M. Maslon. Et Julien s'applaudit d'avoir caché presque tout son argent dans ses bottes. L'abbé Pirard examina Julien sur la théologie. Il fut surpris de l'étendue de son savoir. Mais quand il arriva aux questions sur la doctrine des pères, il s'aperçut que Julien ignorait presque jusqu'au nom de Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Bonaventure, Saint Basile, etc. Au fait, voilà bien cette tendance fatale au protestantisme que j'ai toujours reproché à Chélan. Une connaissance trop approfondie des Saintes Écritures. À quoi mène ce raisonnement infini, si ce n'est à l'examen personnel, c'est-à-dire au plus affreux protestantisme? Et à côté de cette science imprudente, rien sur les pères qui puisse compenser cette tendance. Mais l'étonnement du directeur n'eut plus de bornes lorsqu'interrogeant Julien sur l'autorité du pape et s'attendant aux maximes de l'ancienne église gallicane, le jeune homme lui récita tout le livre de Monsieur de Maistre. Singulier homme que ce Chélan. Lui a-t-il montré ce livre pour lui apprendre à s'en moquer? Voilà un esprit hardi et sain. Mais corpus débile. Tombez-vous souvent ainsi? C'est la première fois de ma vie. La figure du portier m'avait glacé. Voilà l'effet des vaines pompes du monde. Vous êtes accoutumé apparemment à des visages riants, véritable théâtre de mensonges. La vérité est austère, monsieur. Il faudra veiller à ce que votre conscience se tienne en garde contre cette faiblesse. Trop de sensibilité aux vaines grâces de l'extérieur. Dans cette maison, entendre, mon très cher fils, c'est obéir. Combien avez-vous d'argent? Nous y voici. C'était pour cela qu'était le très cher fils. 35 francs, mon père. Écrivez soigneusement l'emploi de cet argent. Vous aurez à m'en rendre compte. Cette pénible séance avait duré 3 heures. Le directeur appela le portier. Allez installer Julien Sorel dans la cellule numéro 103. Par une grande distinction, l'abbé Pirard accordait à Julien un logement séparé. En arrivant au numéro 103, Julien remarqua que la chambrette donnait sur les remparts et par-delà, on apercevait la jolie plaine que le Doubs sépare de la ville. Quelle vue charmante! Il s'assit près de la fenêtre sur l'unique chaise de bois qui fut dans sa cellule et tomba aussitôt dans un profond sommeil. Quand les premiers rayons du soleil le réveillèrent le lendemain matin, il se trouva couché sur le plancher. Il se hâta de brosser son habit et de descendre. Il était en retard. « Un sous-maître le gronda sévèrement. Au lieu de chercher à se justifier, Julien croisa les bras sur sa poitrine. Peccavi, pater optime. Ce début eut un grand succès. L'heure de la récréation arriva. Julien se vit l'objet de la curiosité générale. Mais on ne trouva chez lui que réserve et silence. Suivant les maximes qu'il s'était faites, il considéra ses 321 camarades comme des ennemis. Le plus dangereux de tous, à ses yeux, était l'abbé Pirard. Peu de jours après, Julien eut à choisir un confesseur. On lui présenta une liste. Eh bon Dieu, pour qui me prend-on? Croit-on que je ne comprenne pas ce que « parler » veut dire? Il choisit l'abbé Pirard. Un petit séminariste, natif de Verrières, lui apprit que s'il eût choisi M. Castanède, le sous-préfet du séminaire, il eût peut-être agi avec plus de prudence. L'abbé Castanède est l'ennemi de M. Pirard, qu'on soupçonne de jansénisme. Toutes les premières démarches de notre héros, qui se croyait si prudent, furent des étourderies. Égaré par toute la présomption d'un homme à imagination, il prenait ses intentions pour des faits et se croyait un hypocrite consommé. Presque tous les séminaristes étaient des fils de paysans, et ils aimaient mieux gagner leur pain en récitant quelques mots en latin qu'en piochant la terre. C'est d'après cette observation que Julien se promit de rapides succès. Dans tout service, il faut des gens intelligents, car enfin, il y a un travail à faire. Sous Napoléon, j'eusse été sergent. Parmi ses futurs curés, je serai grand vicaire. Mais ce que Julien ne savait pas, ce qu'on se gardait de lui dire, c'est que être le premier dans les différents cours de dogme n'était à leurs yeux qu'un péché splendide. Depuis Voltaire, depuis le gouvernement des deux chambres qui n'est au fond que méfiance et examen personnel et donne à l'esprit des peuples cette mauvaise habitude de se méfier, l'Église de France semble avoir compris que les livres sont ses vrais ennemis. C'est la soumission de cœur qui est tout à ses yeux. Réussir dans les études, même sacrées, lui est suspect et à bon droit. Qui empêchera l'homme supérieur de passer de l'autre côté, comme Sieyès ou Grégoire? L'Église tremblante s'attache au pape comme à la seule chance de salut. Le pape seul peut essayer de paralyser l'examen personnel et, par les pieuses pompes des cérémonies de sa cour, faire impression sur l'esprit ennuyé et malade des gens du monde. Julien, pénétrant à demi ces diverses vérités, tombait dans une mélancolie profonde. Il travaillait beaucoup et réussissait rapidement à apprendre des choses très utiles à un prêtre, très fausses à ses yeux, et auxquelles il ne mettait aucun intérêt. « Suis-je donc oublié de toute la terre ?» Il ne savait pas que M. Pirard avait reçu et jeté au feu quelques lettres timbrées de Dijon, et où, malgré les formes du style le plus convenable, perçait la passion la plus vive. De grands remords semblaient combattre cet amour. « Tant mieux. Ce n'est pas du moins une femme impie que ce jeune homme a aimé. » C'était « Le rouge et le noir », chronique de 1830, de Stendhal, feuilleton en 15 épisodes, adaptation Hélène Bleskin. Sixième épisode, avec Simon Duprez, le narrateur, Damien Zanoli, Julien Sorel, Vanda Benesch, Madame de Rênal, Philippe Lodenbach, l'abbé Chélan, Loïc Pichon, l'abbé Pirard, Aurélie Nusillard, Amanda Binet, Christine Cirézol, l'hôtesse des ambassadeurs, Thomas Rivière, le petit séminariste. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff.